L'actualité à Nancy et ailleurs. Souvent, on aimerait s'engager, trouver sa place dans la vie associative ou citoyenne, mais on ne sait pas forcément par où commencer, ni où chercher. C'est exactement ce problème-là que Nicolas a voulu résoudre en créant Déclic, une plateforme numérique gratuite qui recense et cartographie les opportunités d'engagement, notamment sur la métropole du Grand Nancy, mais un peu au-delà aussi. Nicolas, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Déclic ? C'est comme souvent, c'est en fait une expérience personnelle, enfin une impression répétée personnelle. J'habite au Faubourg des Trois Maisons à Nancy, et à côté de chez moi, il y a les Restos du Cœur. Mais c'est un quartier dans lequel je ne passe pas souvent. Et finalement, je me suis dit qu'à 50 ou 100 mètres de chez moi, il y avait la possibilité de s'engager. Autre chose, il y a quelques mois, j'ai voulu changer de micro-ondes. Ainsi va la vie. Et je ne le savais pas, mais il y a Envie Lorraine, qui est pas très loin de chez moi aussi, qui est une entreprise d'insertion, qui retape un peu tout ce qui est matériel électroménager. Et puis, j'ai aussi rencontré une amie d'origine malgache, parler de vouloir construire une collection vestimentaire, notamment des sacs à main d'origine malgache, mais qui ne savait pas à qui présenter son projet. Il se trouve du côté de la rive de Meurthe, et il y a des incubateurs qui permettent de pitcher son projet. Là aussi, c'est pas très loin. Et tout ça m'a fait dire que autour de nous, en permanence, il y a des opportunités, des possibilités de rendre notre vie plus écologique, de faire du bénévolat, et pourquoi pas de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Tout ça existe, mais finalement, on ne le sait pas tellement. Et donc, en cartographiant toutes ces opportunités, l'idée, c'est aussi tout simplement de faciliter le passage à l'acte. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas encore la plateforme, parce qu'elle est toute récente, tout à fait. Comment vous la décririez en quelques mots et qu'est-ce qu'on va y trouver quand on arrive dessus ? Alors, je dirais que c'est les trois C. D'abord, c'est concentrer les opportunités et les belles histoires. On en parlera peut-être aussi, ces gens qui ont osé franchir le pas. Concentrer, donc cartographier. Tout simplement, vous avez une carte comme sur les grandes startups qu'on connaît, de location de logement ou de location d'hôtel. Et puis, le troisième C, contribuer. Parce que tout à chacun peut justement laisser sa propre opportunité, sa propre initiative. Je vous parlais tout à l'heure des associations. Elles peuvent évidemment envoyer ces propositions d'engagement. Donc voilà, les trois C. Concentrer, cartographier, contribuer. Vous avez parlé de belles histoires. Ça, c'est toujours très intéressant. Je vous donne un exemple qui m'avait un peu marqué. J'étais parti me promener dans les Vosges. Je reviens et quelques jours plus tard, je lis dans le journal, dans l'Est républicain pour ne pas le citer, qu'il y avait une vieille dame d'à peu près 90 ans qui avait été marquée par la situation des Ukrainiens. Et c'était pendant l'hiver dernier. Vous savez, les bombardements russes touchaient les infrastructures énergétiques et donc les pauvres Ukrainiens faisait face à un froid intense. Et l'hiver en Ukraine, c'est quelque chose. Et cette dame, très âgée, elle avait décidé de coudre des écharpes, des gants, parce qu'elle avait été touchée par cette situation-là. Mais une fois qu'elle avait produit tout ce petit matériel, elle ne savait pas trop comment faire pour le donner. Et évidemment, l'article qui en a parlé, on a facilité les mises en relation. Et je me suis dit, c'est tout à fait le genre d'histoire qui peut apparaître un petit peu presque anecdotique, mais qui, pour la personne concernée, est très importante. C'est une manifestation de générosité, en fait, qui ne demande qu'une chose, c'est être traduite. Et je me dis, le but de la plateforme, c'est ça, c'est faciliter, c'est à la fois cette prise de risque, mais aussi cette mise en relation. Quand on arrive sur votre site, il y a partager un témoignage. Par ces témoignages, vous souhaitez aussi créer ces déclics ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi en voyant d'autres qui se sont lancés, qui se sont jetés à l'eau, qu'on a envie de faire un petit peu pareil, d'une part. Et puis deuxièmement, ces témoignages, comme vous le disiez, c'est-à-dire que la plateforme, elle est sur le Grand Nancy, eh bien, ma foi, personne ne vous interdit d'aller voir ces personnes. Il y a quelqu'un là, par exemple, c'est sur le site, qui travaillait dans la finance à Paris, qui gagnait bien sa vie, etc., mais qui s'est rendu compte que c'était pas tout à fait la vie qu'elle avait rêvée et qui a ouvert une laiterie bio dans le centre-ville de Nancy. Cette histoire, elle est sur déclic.site et vous pouvez très bien aller dans la laiterie, alors pour acheter des yaourts si vous voulez, mais aussi parler avec cette personne, comment elle a fait, de quoi elle a eu peur, quand est-ce qu'elle s'est vraiment jetée à l'eau, etc. Donc l'idée des témoignages, c'est pour donner envie, mais aussi donner envie d'aller voir ces personnes. Donc le site, c'est facile, c'est déclic.site. Déclic.site, absolument. Voilà. C'est gratuit ? C'est totalement gratuit. Pas besoin d'inscription ? Non, justement, c'est parce que l'idée, je m'en étais rendu compte, il y a des plateformes un petit peu similaires qui peuvent exister. Mais il faut s'inscrire avant, il faut faire un mot de passe, et puis une fois que vous êtes inscrit, vous devez dire « oui, mais je suis disponible de telle heure à telle heure pour m'engager », et puis vous devez avoir un mail de réception de l'association dans laquelle vous vous engagez. Là, c'est le plus simple possible, zéro friction ou le minimum de friction. Tout est gratuit et tout doit donner envie justement de consulter le site et de s'engager. Ce site, c'est votre engagement citoyen aujourd'hui ? Oui, c'est à ma mesure. Dans une société qu'on dit, on est quand même assez souvent individualiste, on passe pas mal de temps devant les écrans. Alors vous me direz, des clics, c'est une application, mais c'est un écran positif. C'est un écran qui donne envie de s'engager et de se tourner vers l'autre. Vous n'êtes pas tout seul aussi derrière ce site ? Pour le moment, je suis tout seul, mais je fais d'ailleurs un appel au volontariat. S'il y a des gens que ça intéresse de s'impliquer sur le sujet, ils sont les bienvenus. C'est aussi la philosophie de ce site. Il y a souvent cette phrase dans le monde de l'entrepreneuriat, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et moi, s'il y a des gens qui veulent s'engager dans l'aventure, ils sont les bienvenus. www.declic.site. On va sur votre site, on verra cette carte. On voit aussi avec des couleurs. Bénévolat, c'est rouge. Écologisé, c'est vert. Rencontre, c'est jaune. Formation, c'est bleu. Ouais, c'est très bien, ça parle à tout le monde. Ça parle à tout le monde, voilà. C'est thématisé. Normalement, tout le monde doit pouvoir trouver chaussures à son pied. Merci beaucoup, Nicolas. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.